Stephen King aime la Moria, Stephen King aime les tempêtes de sable, mais tout le monde déteste la police. Stephen King a écrit Désolation et Mick Garris l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah, ne me dis pas que t'étais pas d'accord. Si, si. Voilà, je te rappelle ce que tu criais encore une fois à la mine à Nerland. Hein. Police partout. Justice nulle part. Très bien, donc aujourd'hui nous allons parler d'un roman dont nous n'avions pas encore parlé, puisqu'il s'agit de Désolation, publié en 1996. Et son adaptation par Mick Garris date de 2006. C'est un téléfilm comme la majorité des adaptations de Mick Garris. Oui. Nous allons spoiler le roman et le film qui sont assez proches l'un de l'autre. Donc si vous avez vu l'un, finalement vous connaissez l'intrigue de l'autre à quelques détails près. Et je vous propose qu'on y aille maintenant. Eh ben allons-y. Désolation va suivre un groupe de plusieurs personnages, une famille, la famille Carver, avec notamment l'enfant qui est très croyant, l'auteur un peu sur le retour, Johnny Marinville qui fait un road trip, son assistant Steve Ames et qui récolte une autostoppeuse, Cynthia sur le chemin, et une voyageuse appelée Marie, voilà. Qui vont arriver près de la ville de Désolation, se faire arrêter par un policier très étrange, très grand et très inquiétant qui va les mettre en prison et en tuer une partie. Et on se rend compte que ce policier est possédé par une entité démoniaque qui semble venue de la vieille mine de Désolation. Qui est un ranger du risque. De quoi ? Il s'appelle Tac. Oui, la blague est faite d'ailleurs, dans mon souvenir, dans le livre. Oui, exact. Non, c'est à Tic et Tac qu'il y a une référence. Oui, bah, c'est ça, Tic et Tac, les Rangers. C'est eux les Rangers de risque? Oui. Ah, je croyais que c'était autre chose. Encore. D'accord. D'accord. C'est les deux petits écureuils. Tu l'as vu, toi, le dernier film, d'ailleurs? Oui, et bah, c'est pas très bien. D'accord. Voilà. Dommage. Il y a un peu trop de fanservice. Par contre, visuellement, c'est très intéressant, parce que ça utilise beaucoup de styles d'animation différents. Ça utilise de l'animation dessin traditionnel, 3D, ça utilise du stop motion, de la pâte à modeler. Parce que t'as plein de personnages en fait qui viennent de films différents. Ouais. Et donc ça respecte de là où les personnages viennent à la base. Donc pour ça, il est très intéressant. D'accord. Mais c'est bien traité. Le fait qu'ils aient tous des designs différents, ouais. Oui, c'est bien. Et c'est, ça fait partie intégrante de l'intrigue. Parce que. Alors c'est Tic ou Tac, je ne sais plus. Qui du coup dit qu'il s'est fait relifter et du coup lui est animé en 3D moderne alors que l'autre est en animé traditionnel dans le film. D'accord. Donc voilà, ça a une implication aussi que les styles soient différents pour plein de personnages. Ok. Désolation est un roman qui est publié de manière jumelée avec Les Régulateurs, sorti donc le même jour en réutilisant le pseudonyme de Richard Bachman, qui pourtant avait été éventé une dizaine d'années auparavant au moment de la publication de La peau sur les os. On en avait parlé dans notre épisode consacré à ce roman et à son adaptation. Donc dans Les Régulateurs, il y a la notice habituelle comme quoi c'est un manuscrit retrouvé dans un carton de Richard Bachman, etc. Les deux romans, en fait, se passent dans des réalités différentes selon le mécanisme de la tour sombre où, via la tour, on accède à différents mondes mais qui sont en fait un peu comme des versions alternatives d'un même monde où des chemins différents auraient été pris à cause d'événements qui seraient passés différemment à un moment donné. Donc on va retrouver dans pas mal de similitudes entre les deux. Par exemple, dans les deux, l'antagoniste, c'est Tac. On va retrouver les mêmes noms de personnages. Et il y a des vies et des relations à la fois similaires mais différentes. Par exemple, Johnny Marinville, c'est un auteur dans les deux romans, mais dans Les Régulateurs, il écrit des romans pour enfants. Les noms de la famille Carver sont les mêmes, mais il y a une inversion entre ceux des enfants et ceux des parents dans Les Régulateurs. D'accord. Etc, etc. Steve est aussi un routier dans Les Régulateurs, donc voilà. Et les deux romans partagent aussi très clairement une ambiance western, même si Les Régulateurs va plus se rapprocher de quelque chose en ville fermée, un peu façon Les Sept Mercenaires, Protection d'une ville, ce qui n'est pas le cas de Désolation. On peut supposer que Désolation se passerait dans la réalité de la plupart des romans de King, et que ce serait Les Régulateurs qui est dans une version alternative, puisque nous retrouvons un autre rapport avec un de ses romans, avec le personnage de Cynthia Smith, qui a un rôle assez important dans Désolation, et qui est un personnage secondaire dans Rose Madder. D'ailleurs, quand elle raconte son passé, au final, elle spoile une partie de l'intrigue de Rose Madder, qui est un roman publié un peu avant. Pas mal d'éditions de ces romans, pour respecter cette similitude, ont des couvertures jumelées, c'est-à-dire qu'on peut les mettre côte à côte et ça forme un dessin d'ensemble. C'est le cas des éditions qu'on a tous les deux, par exemple. Donc la première édition Albin Michel, et moi c'est l'édition... une vieille édition, c'est même pas J'ai lu, je crois que si c'est J'ai lu que j'ai, des romans. Enfin ma poche, du coup. Ouais. Mais c'est pas le cas de toutes les éditions. Par exemple, les nouvelles couvertures au livre de poche... ont deux couvertures qui n'ont pas de rapport, oui. Des Régulateurs et de Désolation. Ce qui est dommage. Ce qui est un peu dommage, mais bon, après, elles sont pas moches. Un des thèmes importants du livre, c'est le rapport à la religion, qui va être très central, aussi central que dans Le Fléau, en fait. Et donc, j'ai pris une citation de King où il développe un peu son propos à ce sujet et son point de vue sur la religion, parce que ça me paraît assez intéressant avant de traiter du livre. J'ai grandi dans un milieu croyant, et je voulais vraiment aborder Dieu dans ce roman. Le plus souvent, dans le fantastique, Dieu est réduit à une sorte de kryptonite, ou l'eau bénite pour les vampires. On le fait débarquer, on dit « en son nom » et le mal disparaît. Mais Dieu, en tant que force concrète dans la vie humaine, est plus complexe que ça, et je voulais en parler dans Désolation. Dieu ne fait pas toujours gagner les gentils. J'ai toujours voulu dire qu'on peut accepter l'idée que tout ne se passe pas toujours bien, sans retomber sur des platitudes comme « les voies de Dieu sont impénétrables » ou « c'est pour le plus grand bien ». On peut souffrir, tout en croyant qu'il y a une force bénéfique dans l'univers. Je ne veux pas dire pour autant qu'on devrait tous courir s'inscrire à la grande église de « mon Dieu est mieux que le tien », ça, c'est la cause de la moitié des problèmes dans le monde, si ce n'est plus. Donc voilà, on reparlera un peu de cette thématique, je pense, dans nos avis. Le film, à un moment, il y a un film qui est mentionné par Mary, je crois, qui, en voyant le flic, justement, pense à un film de flic psychopathe qu'elle a vu. Et a priori, vu qu'elle mentionne la tagline « Vous avez le droit de garder le silence pour toujours », je pense qu'il s'agit de Psycho Cop Returns, qui a effectivement comme tagline « You have the right to remain silent forever ». Je pensais que la ref était envers Maniac Cop. C'est plutôt Psycho Cop. J'ai hésité entre les deux, c'est pour ça que j'ai vérifié. Ouais. Parce que dans tous les cas, le titre est mal traduit dans la traduction française, peut-être parce que le film n'était pas sorti à l'époque. Ouais, peut-être. Mais je me disais que c'était une de ces deux licences, qui sont un peu les deux cultes de licences de flics psychopathes. Oui. La première édition, c'est 1,75 million d'exemplaires, et le livre est aujourd'hui relativement moyennement apprécié. Je l'ai vu quand même une fois dans un top 10. Ah ouais. Des meilleurs romans de King. Il est jamais dans les pires, mais il est souvent en milieu, voire deuxième tiers, fin du deuxième tiers de classement. Ouais. Et je l'ai, de manière intéressante, systématiquement vu plus haut que les Régulateurs. Mieux classé que les Régulateurs, je veux dire. D'accord. Voilà. Alors que toi, pour info, tu préfères les Régulateurs. Ouais, d'assez loin, moi. Ouais. Et on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Alors, du coup, remise en contexte, moi, c'est un roman que je n'avais jamais lu, Désolation, avant l'enregistrement de ce podcast. C'est un roman qui démarre sur les chapeaux de roue. Ça va très très vite. L'écriture de King est ultra efficace. Ça fait que vraiment, le début s'enchaîne à une vitesse parce que les événements, eux aussi, s'enchaînent très très vite. La violence aussi arrive très très vite. Le roman est violent et même gore très rapidement, finalement, ce qui n'est pas forcément courant chez King, je trouve. Mais, au bout d'un moment, il y a un problème, c'est que le tout retombe comme un soufflet, très très vite. T'as l'impression, vraiment, qu'à un moment, je rentre pas plus dans les détails que ça pour l'instant, t'as vraiment l'impression qu'à un moment, King s'est dit « Ah merde, j'ai oublié de mettre un contexte dans tout ce bordel, il va peut-être falloir que je fasse des explications. » Sauf que du coup, au lieu de les mettre éparpillés tout le long du début, bah, à un moment, t'as vraiment un énorme bloc d'une centaine de pages où c'est quasiment que de l'explicatif, et c'est d'un chiant, c'est barbant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où ça vient, parce que vraiment, ça détruit le rythme qui avait été posé jusque-là. Je te laisse prendre la parole. Alors, moi, c'est un roman que j'ai relu. Je l'avais déjà lu à l'époque, juste après Les Régulateurs, et je l'ai un peu préféré à cette deuxième lecture, parce qu'à la première, il avait pour moi beaucoup souffert de la comparaison avec Les Régulateurs, dont je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus apprécié, parce que je trouve que c'est un excellent roman. Et Désolation m'avait paru chiant, d'un côté. À la deuxième lecture, je lui ai vu plus de qualité, notamment dans les deux premières parties. Il est en 5... Enfin, on va dire 5 parties, mais il n'y en a que 4 qui sont vraiment grosses. La dernière, c'est une conclusion. On va dire 4 parties. Les deux premières ont des vraies qualités. Il y a des vrais bons persos qui sont installés. Les deux dernières, moi, j'ai beaucoup plus de problèmes, effectivement, à cause de toutes ces explications qui sont déjà très longues et qui me paraissent en plus pas vraiment nécessaire. Non, c'est pas indispensable. Je vois pas tellement ce que ça apporte d'en savoir plus sur tout ça. Limite, c'est même plutôt handicapant. Ah oui. Et c'est vraiment à la fois sur la troisième et sur la quatrième. Hein. La quatrième, en soi, le combat final contre Tak, il est court. Il se passe pas grand-chose. Parce qu'on a des longues explications, notamment autour de Johnny Marinville, qui sont pas inintéressantes parce que c'est un personnage que j'aime plutôt bien, mais qui aurait dû venir plus tôt. Donc, pour moi, ouais, à la moitié, le roman devient chiant, et j'ai des problèmes avec son message aussi. Donc, ça pense qu'on y reviendra. Donc ça fait quand même un livre sur lequel j'ai des grosses réserves, malgré le fait que oui, il a des qualités, clairement. Oui. Mais même... Il est loin d'être désespérant. Même dans les parties 3 et 4 qui sont vraiment chiantes, il y a aussi des qualités. Il y a des moments vraiment sympas dedans. Oui. C'est juste que c'est noyé, en fait, dans un flot d'explications dont on n'a absolument rien à foutre. Parce qu'effectivement, l'antagoniste dans Tak est suffisamment menaçant dès le début pour que t'aies pas besoin d'explications. Oui, surtout vu que c'est très vite installé, que c'est une espèce d'entité démoniaque qui se trouvait là, qui a été issue de la mine, il n'y avait pas forcément besoin d'installer tout un passé à la ville, en fait. Voilà, c'est ça. Juste, il est là, on a rouvert la mine, ça a été une catastrophe. Ça aurait pu être la première fois que là, c'est la deuxième, je vois pas tellement ce que ça apporte, en fait, comme changement. C'est juste une entité, il y avait une entité démoniaque, une entité dans la mine, parce qu'en final, on sait pas trop si c'est démoniaque, si ça vient, on sait même pas si ça vient de notre terre, en final. On sait pas trop. Oui. On sait juste que ça daterait de l'époque amérindien. Ouais. Plus ou moins, c'est tout ce qu'on sait. Et en fait, c'est sur ça qu'on aurait dû s'arrêter, ça suffit largement. Mais donc, pour revenir sur les deux premières parties, les véritables qualités des deux premières parties, donc c'est le rythme, les personnages, et il y a quand même des putains de moments de tension dans ces deux premières parties. Ah oui, clairement, oui. Tous les passages où, quand Tak possède encore le flic, c'est Etrigan, il me semble. Entrangian, oui, je sais pas trop, Entrangian, je crois. Voilà, je sais pas trop comment ça se prononce. Entrangian, je crois. Entrangian, qui est ultra menaçant, quoi. Ouais. Parce qu'il est décrit comme... policier déjà, donc figure d'autorité, ce qui met un peu déjà un petit coup de pression. Mmh. Alors moi j'allais dire policier figure d'inquiétude, moi de base. Oui, mais ça va avec. Voilà, c'est ça. Au final ça va avec l'autorité, avec la figure d'autorité. Plus de 2 mètres debout, genre vraiment imposant, on te fait bien comprendre que limite le vêtement craque un peu, tellement il le remplit quoi. Donc en fait ça suffit à te faire comprendre que les personnages sont en danger. C'est-à-dire que même, c'est ce que j'aime beaucoup, même quand il agit de manière sympathique, tu sais très bien qu'à tout moment, ça peut vriller. Dès la première rencontre avec le couple Jackson, donc Marie et son mari, Peter, Voilà, Peter Jackson. La blague est fait, la blague est soulignée dans le téléfilm. Dans le téléfilm, ouais. pas dans le roman, puisque la trilogie du Seigneur des Anneaux n'avait pas encore été réalisée à cette époque-là. Ouais, mais il avait déjà fait, Bad Taste, des trucs comme ça. À mon avis, oui. King, à mon avis, c'est volontaire de la part de King. Oui, possiblement. Mais donc voilà, dès leur première rencontre, alors que Entrengan n'est pas forcément ultra menaçant, tu sens quand même que ça va partir en couille. Ouais. Ouais, il le devient vite, hein, quand même, menaçant. Il a déjà son comportement bizarre avec la voiture, où il accélère, où il repasse derrière eux. Il met très vite son « je vais vous tuer » quand il leur dit leurs droits. Oui, quand il leur... Il y a les petits tacs qu'il dit en fin de phrase, des fois. C'est ça. Il est quand même très très vite menaçant, quand même. Les pertes... Il y a un moment, il est perdu dans ses pensées. Ah oui, oui, il a des espèces de déconnexions. Il a des absences. Et effectivement, par contre, la violence... vraiment conséquente vient très brutalement, parce que c'est quand il tue Peter et ça sort vraiment de nulle part. Pour le coup, c'est très inattendu. Ah oui, il lui tire 2-3 balles dans le ventre. Il y a vraiment en simultané la mort de Peter et la découverte du corps de la fillette, de la petite paille, la puce. La en puce. Bref. Ça arrive vraiment très brutalement, ça. Oui, les introductions de personnages sont globalement réussies, je trouve. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui en fait va à leur rencontre ou provoque la rencontre. C'est ça. Comme avec la famille Carver, où en fait il met un piège sur la route pour crever les pneus de la caravane. Ouais. Les seuls en fait qui ne vont pas vraiment être invités dans la ville, c'est Steve Ames et Cynthia, qui eux arrivent et qui eux le rencontrent tard. Après Johnny Marinville, on peut parler de Johnny, qui moi je trouvais le meilleur personnage du roman, globalement. Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est un très bon personnage. Qui est un auteur qui a fait le Vietnam en 80... Je rappelle qu'on est en 92, hein, donc 96, pardon. Donc le Vietnam, c'est une trentaine d'années auparavant. Donc il est en fin de cinquantaine. Alors précisons, il l'a fait en tant que photographe de guerre. Ouais, voilà. Pas en tant que soldat. C'est ça. C'est un auteur qui a connu un vrai succès. Conséquent, qui a sombré dans l'alcoolisme qui lui a fait perdre son inspiration, qui lui a fait perdre son mojo, qui lui a fait cogner sur sa femme aussi, donc qui lui a fait faire des trucs vraiment pas bien. Et il tente une sorte de retour en se disant je vais faire un livre d'essai en sillonnant les États-Unis à moto, en Harley. Oui, parce que c'était ce qu'il faisait en début de carrière, il faisait beaucoup d'essais, il aimait beaucoup ça, et il a envie d'y revenir. Ouais. Et un peu pour retrouver sa jeunesse et en espérant retrouver sa gloire, il cherche une rédemption. Et c'est peut-être le personnage le plus ambigu au final de l'intrigue, parce que c'est pas mal un connard quand même. À plein de moments, il est assez odieux, assez cynique et égoïste. Mmh. C'est celui qui veut le plus se barrer de la ville sans rien faire. Mais en même temps, il a aussi une... C'est comme s'il avait une éthique, mais que ça l'embêtait de l'avoir, en fait. Son éthique revient le voir, et à chaque fois, ça l'ennuie de ne pas réussir à agir en pur égoïste comme il le voudrait vraiment. Donc, un bon personnage, je trouve. Oui, c'est un personnage très intéressant, qui n'est pas ni tout blanc ni tout noir, en fait, tout simplement. Ouais. Et c'est l'un des rares, mine de rien, dans ce roman. Bah, c'est même le seul, vraiment, dans le roman, en fait. Tous les autres du groupe sont plutôt du côté bon. Le seul qui hésite un peu, c'est le père de David. Parce qu'il a tellement tout perdu. Il a tout perdu et qu'il veut pas perdre son fils. Mais c'est pas pour des raisons de bien et de mal. C'est un peu autre chose, lui. Donc ouais, Johnny Marinville, pour moi, c'est la grosse réussite de ce roman. Mmh. J'aime bien le duo formé par Cynthia et Steve aussi. Oui, qui est un bon duo, qui a des très bonnes scènes. Ouais. Surtout quand ils arrivent à des isolations et qu'ils explorent un peu la ville. Ouais, ils ont certaines des meilleures scènes de tension, en fait. Ah oui, oui, clairement, de tension et d'horreur. Quand ils découvrent les cadavres accrochés dans le bureau de la mine. Ça fait très, ça fait vraiment très apocalypse, horreur apocalypse. Ouais. Tout leur passage à eux. Ouais. Même leur camion arrêté par les scorpions, c'est très efficace, je trouve. Ouais. Les passages avec les serpents là, qui sortent du corps de la nana dans le supermarché, je crois. Si je me souviens bien, c'est le supermarché. Avec toutes les petites araignées aussi. C'est des peurs primaires, mais qui fonctionnent très bien. Bah, il fonctionne pas mal sur les peurs des animaux un peu dégueu, un peu meute. Il joue pas mal là-dessus quand même. Oui. Cynthia, bah, j'avais d'autant plus envie qu'elle survive que bah, elle a déjà pris cher dans Rose Madder. Et je me dis, c'est bon, épargnez-la. Laisse-la la pauvre. Voilà, c'est ça. Bah, spoiler, elle s'en sort. Ça fait partie des personnages qui s'en sortent. Au final, la famille Carver, bah, c'est la famille où il y a David, qui est le personnage qui, moi, me pose le plus problème, même s'il est pas nul, je trouve. En fait, limite, c'est plus les autres qui posent problème, parce que lui, il a ses convictions. Le problème, c'est que la majorité des autres le suivent aveuglément, quoi. Ouais. Alors que tu dis, ben non, c'est pas possible. Je veux bien... En fait, c'est aussi l'un des reproches, par exemple, que tu avais fait, et je le comprends, à Myst, mais... Là où je trouve ça plus compréhensible dans Myst, c'est que dans Myst, c'est des adultes. Tu vois, je peux comprendre que pendant une situation de fin du monde, tu suives une adulte qui se réfugie dans la religion en autre chose comme ça, plutôt qu'un enfant. C'est pas possible. Bah, enfin, ça me paraît invraisemblable, quoi. Et puis surtout que bon, Myst a aussi ce côté où c'est vraiment... Pour les personnages, c'est vraiment la fin du monde, il n'y a aucun échappatoire, parce qu'ils sont enfermés, et à peine tu vas dans la brume, tu crèves, quoi. Ouais. Alors que là, dans Désolation... C'est encore plus tendu dans Myst, effectivement. Voilà. Alors que dans Désolation, ben, oui, la menace est concrète, oui, elle est violente, mais il y a quand même possibilité de s'en sortir. Et ils le suivent vraiment aveuglément, c'est surtout ça, le problème, et je trouve que tous les autres sont limite plus problématiques, à partir du moment où ils rencontrent David. Ouais, t'as peut-être raison. Alors, pour installer David, en fait, c'est un garçon d'environ 12 ans, je crois. Oui, qui, quelques mois plus tôt, a vu son meilleur ami se faire percuter par une voiture et tomber dans un coma profond, le crâne enfoncé, avec tous les médecins qui disent « Non, mais là, il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte. Oui. » Et David va prier pour le salut de son ami en disant « Je ferai n'importe quoi, en disant adieu, je ferai n'importe quoi pour toi si tu sauves mon ami. » Et Dieu va exaucer sa prière, son ami va être sauvé miraculeusement et s'en sortir quasiment indemne, quasiment sans séquelles. Et donc, pour David, en fait, son arrivée à Désolation, c'est justement Dieu qui lui demande paiement de la dette qu'il a envers lui. Là où il y a un peu des trucs intéressants, c'est que David va tout de même s'il va suivre jusqu'au bout, il va jamais vraiment hésiter. Il va tout de même bien souligner que Dieu est cruel, beaucoup plus que ne le fait Abigail dans le fléau, par exemple. Oui. Dieu, déjà, c'est quand même sous-entendu que l'accident de Brian, son ami à la base, c'est juste pour que David ait une dette. Oui. Il va tuer la petite sœur qui n'a rien fait, la mère et le père. Il va vraiment laisser massacrer toute la famille. Donc il y a quand même beaucoup le thème que Dieu est cruel, et David s'en rend compte. Mais c'est là que j'ai un problème avec le message, c'est qu'il continue à le suivre au final. Je sais qu'elle existe, cette théorie Dieu est cruel, c'est un peu le Dieu de l'Ancien Testament, en fait, au final. Le Dieu cruel et vengeur. Et en fait, pour moi, les deux versions de Dieu me posent problème, parce que si Dieu est bon, pourquoi les malheurs existent? Et si Dieu est mauvais, pourquoi on suivrait ce fils de pute, en fait? Oui. Enfin, il y a vraiment... Je vois pas la différence entre lui et Tak, fondamentalement. Je te rejoins. Donc, j'ai un gros problème avec pourquoi il y a les personnages qui suivent Dieu. J'ai presque l'impression qu'on est dans une sorte d'univers Lovecraftien où, de toute façon, quels que soient les dieux auxquels tu vas obéir, tu le fais défoncer. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est pas heureux. C'est pas une fin heureuse qu'on peut avoir. Et c'est là où j'ai du mal à le rejoindre dans la citation que j'ai eue tout à l'heure. C'est qu'il veut dire, alors oui, effectivement, là on est d'accord, il arrive à faire passer le message comme quoi, oui, être croyant c'est pas forcément que vivre dans le bonheur et Dieu n'est pas que bonheur. Mais il disait que son but c'était de pas faire de guerre de religion non plus. Oui, effectivement, il n'y a pas de guerre de religion, il n'y a pas de Dieu particulier de cité. Mais je trouve qu'il oublie quand même cruellement quelque chose, c'est que là, quand tu lis Désolation, la croyance c'est la solution. C'est ça le message surtout, en fait. Oui. C'est la solution. Genre, le personnage non-croyant, c'est Marinvin. C'est le seul, dans le roman. Ouais. Et très vite, il finit par courber les chines et croire, en fait. Parce qu'il a que ça. Alors très vite, il met un moment quand même. C'est celui qui hésite le plus. C'est oui. Ce qui fait que c'est le plus intéressant même. Mais du coup, au final, c'est lui qui y va et c'est lui qui du coup se sacrifie. Ouais. Voilà, donc c'est quand même, tu dis, je comprends pas. Normalement, il devrait quand même y avoir, si tu veux faire une vraie représentation, tu représentes aussi, tu fais aussi comprendre que c'était pas forcément toujours une solution. Mmh. Alors que là, ça l'est. Et c'était déjà le problème dans le fléau. Hein. Bah, et puis vraiment, qu'est-ce qu'ils y ont gagné, les personnages? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, dans l'idée, mis à part... Dieu va punir les non-croyants, mais ouais, dans ce cas-là, Dieu est juste cruel, juste méchant. Parce que sinon, il gagne rien. Enfin, David, il a juste tout perdu et je vois pas ce que sa croyance lui fait gagner. Son ami Brian. Ouais, enfin. C'est ça qu'on te dit texto à la fin. Il a perdu ses parents et sa petite sœur. Oui. Notamment la petite sœur. Là, pour le coup, la petite sœur, ça m'a vraiment rappelé le fléau avec la fausse couche de. C'est Fran, je crois. Ouais. Il y a vraiment la même idée du personnage, mais qui n'a rien demandé à personne et qui est juste un dommage collatéral total, en fait. Oui, c'est vraiment... C'est cruel, quoi. Mmh. Du coup, oui, c'est je comprends pas trop le message à l'arrivée. Enfin, je le partage, je le comprends, mais je le partage clairement pas. Oui, moi non plus. Ça, on est d'accord. Après... Dans les... on peut faire une petite liste des moments qui marchent ou des moments qui marchent pas. La scène où David doit tuer le coyote, je la trouve super efficace pour le coup. Ah oui. Il fait face à la porte qui est fermée. C'est... Oui. Même la scène où il s'échappe de sa cellule. Hein. Ouais. Ouais, où là, il y a plein de tensions dans ces moments-là. Avec Maraville qui retient le... C'est Maraville, je crois, oui, qui le retient. Ouais, avec son blouson. Oui. Et c'est même Maraville, après, qui donne les conseils sur comment tirer. Oui. En fait, il a quand même un côté homme d'action, Maraville, qui revient régulièrement. Les scènes dans le cinéma, quand c'est pas les longues explications, elles sont vachement bien, je trouve. Mm-hmm. Parce que le décor est cool. Avec... L'attaque du cougar. Ouais. Donc, contre le personnage, par contre, qui lui ne sert juste à. Ouais, Tom Billingsley. Il sert juste à faire l'explicatif qui est chiant, donc bon. Même sa mort, au final, tu dis bon, Oui. On peut pas mourir plus tôt, comme ça on n'aurait pas eu les explicatifs. On n'aurait pas eu les explications, ça aurait été mieux. Et même tout le passage où. Alors, c'est qui revient? C'est pas Marie à ce moment-là. C'est Ellie Carver qui revient, qui a été dans laquelle Tac s'est mis après Entragian. Dans la VF, il l'appelle la chose Ellie. Mm. Pour vraiment montrer que ce n'est plus elle. Tout le passage où elle revient, justement, elle, et où elle attaque David et tout, l'attention est vraiment là, elle aussi. Ouais. Parce que ça se passe juste après, ou même ça commence au même moment de l'attaque du cougar, donc t'as les deux. Ça se chevauche, quoi. T'as deux séquences d'action bien horribles qui se chevauchent comme ça. Donc les personnages sont un peu éclatés, éparpillés, quoi, je veux dire. Donc ça fonctionne bien. C'est dans la partie cinéma aussi qu'on voit le plus. Je sais plus si elle est là dès la fin de la deuxième, le personnage d'Audrey. Elle est là dès la deuxième, il la rencontre. Ouais. Qui pour le coup est totalement supprimée de la version téléfilm. C'est pas une mauvaise idée parce que ça permet d'aller plus vite. Oui. Mais je l'avais pas vu venir, le retournement autour de ce personnage, qui est donc une survivante, mais qui se révèle être aussi possédée par Tac. Oui. Et ça marche pas trop mal, surtout qu'encore une fois, vraiment, le décor est cool. C'est un cinéma qui s'écroule à moitié, donc faut faire attention à où on va. Il est un peu labyrinthique. C'est bien géré, tout ce qui est l'action dans cette partie. Si on supprime la bonne centaine de pages explicatives, ça marche. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup aussi le passage où, là, du coup, c'est Marie qui est dans la mine, qui, en fait, se rend compte que c'est elle, la prochaine à être possédée. Oui. T'sais, elle est là, y a les araignées, les serpents, les scorpions, il y a tous les cadavres. Et elle comprend qu'en fait, tous les cadavres qu'elle voit, c'est des anciens possédés et que c'est elle la prochaine. Et je trouve que le moment de frousse qu'elle a fonctionne très très bien. Oui. Et ensuite, il y a le moment où elle se met à tuer des araignées et où elle se dit, mais oui, en fait, ils ne peuvent pas me tuer vu que c'est moi la prochaine. Et donc elle en profite pour se sauver. Oui, c'est assez intelligent comme réalisation. Et je trouve que la réflexion que fait le personnage est très intéressant et ça rend vraiment bien ça aussi. Ouais. Et après, t'as la course-poursuite entre la chose Ellie et Marie qui fonctionne bien également. C'est juste dommage qu'après, Tac, dans le corps de Ellie, s'écroule finalement comme une merde et se dit « Ah oh bah je vais posséder un piaf ». Tu pouvais posséder les animaux, pourquoi tu l'as pas fait dès le début en fait ? Alors il le dit, c'est que c'est le seul animal assez grand pour accueillir son esprit. Ah, parce que sinon les autres, ils sont trop faibles et paf, ça éclaterait direct. Ah, j'avais oublié cette précision. Parce que c'est un gros, oui, c'est un énorme aigle qu'il il possède à la fin. Donc c'est pour ça. Ce qui du coup ne marche pas dans le téléfilm, on y reviendra. Dans le téléfilm, vraiment, il prend le premier vautour venu. Oui, c'est même un buzzard, c'est même pas un vautour. C'est un tout petit truc. Après, la fin, de toute façon, est décevante. Parce que déjà, elles doivent se faire super vite, parce qu'on a encore eu une centaine de pages d'explications pas très intéressantes. Et le combat final, il est bref, oui, en fait. Il est trop bref. Enfin, à la fois, il est trop long et il est pas assez... Il manque quelque chose pour qu'il marche, ça manque d'intensité. Oui. Le sacrifice de Johnny peut marcher, pour le coup. Oui. Ça marche. Surtout, encore une fois, la réaction de David, qui était persuadé que ce serait lui qui se sacrifierait et qui le prend mal, d'une part, parce qu'il a l'impression que Dieu le prive de quelque chose, et surtout, Dieu lui impose une vie de souffrance et de deuil. Donc ça, c'est bien traité. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de lutte du méchant. Il est jamais aussi terrifiant que dans la première partie. Ah oui, clairement. Quand il est en flic. Oui. Après, il n'arrive jamais à retrouver cette intensité. Parce que c'est là qu'il utilise le plus ses pouvoirs, en plus. C'est quand il est dans le corps de Intrigan. Oui, parce que c'est son corps le plus fort. Oui, parce que t'as tous les passages, déjà, où lui-même est menaçant, mais aussi t'as tous les passages où il se met à parler aux animaux. Ouais. Et même là, en fait, c'est menaçant quand il appelle les coyotes, quand il appelle les vautours, les buzzards, qui leur demandent d'attaquer, carrément. Parce que c'est c'est Maraville, je crois, qui se fait attaquer par un buzzard. Alors il se fait pas... Ah oui, c'est par un buzzard, oui. Par un buzzard, oui. C'est... Ouais. C'est Maraville quand il tente de... Quand il... Après qu'il l'ait menacé de... Ouais, c'est ça. De lui trancher la bite. C'est Tac qui dit au buzzard de l'attaquer. Et donc là, tu te dis, ah oui, les pouvoirs ne se limitent pas juste à posséder les corps, quoi. Donc tout ça, c'est des passages qui fonctionnent très très bien. Tout comme d'ailleurs, et ça joue sur le mystère, parce que c'est très tôt dans le roman, les moments où, dans le corps de Intrigan, ça commence à partir en couille. Oui, où il commence à cracher du sang, voilà, etc. Il éternue, il crache du sang, il y a les dents qui sont projetées sur le tableau de bord. Et ça, c'est les moments où tu dis, ah, finalement, c'est pas un être humain. Parce qu'au début, t'as le doute. Au début, tu sais pas trop vraiment ce que c'est. Si c'est un être humain, si... Même au début, tu peux même croire, est-ce que c'est quoi? C'est un cyborg? C'est un robot? C'est pas... C'est un extraterrestre? Qu'est-ce que c'est? C'est un Tommy Knockers? Ils en parlent, Tommy Knockers dans le... Oui, ils sont évoqués. De même qu'il y a il y a Misery qui est évoquée aussi. Oui. La série de livres. Oui. Parce que je crois que c'est Marie qui est en lien. Ou Hélène, une des deux. Exact. Mais donc oui, Tac n'est jamais aussi flippant que dans la première partie. Non, dans la première et la seconde partie. Et c'est dommage. Parce que les quelques moments de fulguration où il est menaçant quand il est dans le corps de Ellie fonctionnent, mais... finalement, ils sont pas suffisants. Ils sont pas suffisamment nombreux et ils sont noyés par des moments chiants. Ouais. C'est dommage. Ça fait partie de ces romans où en fait tu sens finalement le gâchis plus qu'autre chose. Ouais, et on n'a même pas la satisfaction d'avoir Las Vegas qui se fait atomiser à la fin. Ah oui, en plus. Tu vois, ça rentre pas dans la catégorie des romans de King, des romans cons. Genre typiquement Dreamcatcher. Ou c'est con du début à la fin, tu peux prendre un peu de plaisir à lire, mais c'est tellement con qu'au final, bon, le plaisir est quand même pas mal gâché. Oui. Là, quand c'est bien écrit, c'est très bien écrit. Et du coup, quand ça foire, bah, ça te fait chier que ça foire, quoi. Ouais. Ce qui fait qu'il est vraiment... Vraiment, je le mets à peu près au même niveau que le fléau dans La Vie que j'ai. Je pourrais dire quasiment la même chose des deux. Hein. Souviens-toi, le fléau, si on fait la distinction, le premier tome, c'est très bien. Oui, parce que le premier tome du fléau est vraiment fou dans l'ensemble. Voilà, et après, ça commence à partir en couille, quoi. À partir du moment où les délires religieux sont évoqués. Ouais, et où il y a des personnages un peu pénibles qui arrivent aussi dans le fléau. Parce que ce qui est pas... Le fléau, en fait, la première partie, ce qui fonctionne, c'est que c'est juste... Oui, c'est le combat du bien et du mal, mais ça s'arrête là. Ouais. Il n'y a pas de délire christique. C'est à partir du moment où tu rentres dans le brut... où tu mets un nom sur la chose, où ça devient dérangeant. Parce que concrètement, je pense que c'est pareil pour toi, le combat du bien et du mal, oui, c'est pas ça qui nous dérange. Oui, c'est ça commun. M'intéresse plutôt. Voilà, et c'est juste que là, il lui met une forme, et il met une forme qui, malheureusement, nous débecte. Puis ouais, vraiment, le background était, je pense, en trop dans ce roman, et il aurait mérité de conserver son mystère. Oui, ils auraient dû, une entité qui est sortie de la mine. Ce qui est d'autant plus rigolo qu'encore une fois, c'est le cas juste à côté des régulateurs qui nous balancent un concept con comme la Lune et qui n'explique quasiment jamais. Ouais. En fait. Parce que même, 200 bonnes pages de moins, je crois. Parce que même, oui, il est beaucoup plus court, ouais. Les régulateurs. Parce que même le délire autour des Chinois qui ont été exploités, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Oui, ouais, je vois ce que ça veut dire, ce que ça veut dénoncer, mais bon, c'était pas. Il y avait déjà beaucoup de choses, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas nécessaire. Mais voilà. Donc, ouais, mais c'est pas une catastrophe intégrale. Ah ouais, c'est un gâchis, t'as raison. C'est ça qui est agaçant. Voilà, c'est que c'est un gâchis. C'est que tu sentais le potentiel et que malheureusement, ça s'essouffle. Donc, c'est pas un mauvais roman, mais c'est dommage. Je pense que sur le livre, c'est à peu près tout ce qu'on va avoir à dire. Oui, clairement. Et nous allons passer à son adaptation. Based on the number one bestseller, Stephen King's Desperation. They reopened the mine, the old China pit. Whatever's happening here, I think it came from over there. In the town of Desperation. Where is everybody? Disneyland. An evil force. Is there a problem, officer? Has taken over. He killed my husband. Killed our little girl. And enslaved a population. Where are you taking me? This is Desperation, and don't you forget it. A force with the ability to inhabit man. Something came out of that mine. I think it's an earth demon. Or beast. Now, their only hope for survival... We have to get out of here. ...is their will to fight. Trouble with these bodies is how fast they wear out. Directed by Nick Garris and written by Stephen King. What in the name of God is going on? There's no God out here. Includes a commentary by director Nick Garris and interview with legendary horror author Stephen King. Kill me if you're going to. Now, why would I want to kill you when things are just starting to get interesting? Desperation. In this town, there are no accidents. Désolation, l'adaptation, c'est une nouvelle collaboration entre Stephen King et Mick Garris, c'est donc la deuxième qu'on fait d'affilée. C'est marrant, ce nom me dit quelque chose. Ouais, comme si on venait d'en parler. Le scénario étant de King comme sur quasiment toutes leurs collaborations, c'est la dernière fois qu'ils collaborent aussi étroitement puisque Sagdos, quelques années plus tard, ne sera justement pas scénarisé par King, mais c'est la seule exception dans ce qu'a réalisé Mick Garris. C'était très mauvais. Ouais. Comparé au roman qui lui par contre est excellent, rappelons-le. Ouais, mais je crois que c'est surtout le décalage qui fait que c'était qu'on en garde un souvenir odieux, parce que je revérifie où il est, où est-ce qu'on l'avait mis. Sagdos, on l'a mis 52e sur 69, donc oui, ça commence quand même à être dans les trucs très mauvais. Voilà. D'après Mick Garris, c'est un film qui a mis un moment à se monter, puisqu'il était envisagé depuis 7 ans. New Line a été attaché un temps au projet, d'après lui, avec un budget qui aurait été à l'époque de 35 millions, mais aurait laissé tomber parce que suite au succès de Steam, New Line voulait se concentrer sur des films plus adressés à un public adolescent. D'accord. A priori, le but était donc d'en faire un film ciné, pour 35 millions évidemment, mais parce que Garris voulait sortir de l'étiquette d'adaptateur pour la télé de King, et il y a des rumeurs qui disent que, en fait, ce qui a fait couler le projet au ciné, c'est aussi que Garris voulait absolument signer un deal où, en plus de Désolation, on lui garantissait la réalisation d'un film, d'un projet à lui qui n'aurait eu aucun rapport avec King. Et visiblement, aucun studio n'aurait accepté ça. J'admets que j'aurais pas accepté non plus, j'ai pas envie. Non. M'en fous de voir un truc de Mick Garris. Donc finalement, il se tourne à nouveau vers ABC, mais cette fois-ci pas dans le format habituel de deux soirées avec une heure et demie par soir. Ça a été diffusé sur une seule soirée sur un slot de 3 heures, avec un peu plus de 2 heures de téléfilm et toutes les coupures pub. Ouais. pour pas rallonger inutilement le script. Le casting, il y en a pas mal où ça va aller vite, parce qu'on retrouve pas mal d'habitués en fait de précédentes adaptations de Mick Garris dont on a déjà parlé. Ron Perlman était déjà dans La Nuit déchirée, il joue Colly Entrangian, donc le flic. Johnny Marinville, l'auteur, est joué par Tom Skerritt, qui jouait le shérif dans Dead Zone. Oui. Ou pas un Mick Garris. Ralph Carver, le père de David, est joué par Matt Frewer, qu'on a déjà vu dans Le Fléau, dans Quicksilver Highway, où il jouait le chirurgien, dans Sac d'Os, et on le reverra dans Le Cobaye 2. Dans Le Fléau, c'était pas celui qui jouait... La poubelle. Oui, c'est ça. Hein. C'est ce qui me semblait. Mais il était bien dans Quicksilver Highway. Oui. Peter Jackson est joué par Henry Thomas. Moi, j'aurais essayé de contacter le vrai Peter Jackson, je sais pas s'ils l'ont fait. Qui est un habitué d'un autre réalisateur qu'on adore, puisqu'il est dans Jesse et dans Dr. Sleep. Oui. Il joue le père de Jesse et bah, il joue Jack Nicholson dans Dr. Sleep. Et on le reverra dans Cimetière, les origines du mal. Oui. Marie... Pardon. Un mec qui fait que des bons projets. Ouais, c'est ça. Mary Jackson, elle est jouée par Annabeth Gish, qu'on a déjà vu dans Sac d'Os. Et donc, c'est eux les habitués. Les autres acteurs, c'est la première fois qu'on les voit. Avec dans le rôle de Steve Ames, Steven Weber, un des rôles principaux de la sitcom Wings. C'est un acteur très actif, surtout à la télévision. Il est aussi dans 13 Reasons Why. Il a fait pas mal de voix, des voix diverses, surtout le méchant dans Ultimate Spider-Man, apparemment. D'accord. Et il a doublé Alfred dans plusieurs films. Je crois pas qu'il l'ait fait dans des séries Batman. D'accord. Au cinéma, le seul truc que j'ai noté, c'est qu'il a un rôle secondaire dans Leaving Las Vegas de Mike Figgis. J'en ai peut-être déjà parlé, un film où Nicolas Cage joue un scénariste alcoolique. Je crois qu'on en a déjà parlé. Qui est un film très sombre, mais vraiment très très bon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on le reverra dans Un groupe d'enfer, un épisode de la série Rêve et cauchemar, et dans Shining de Mick Garris, puisqu'il joue Jack. C'est vrai qu'on reverra encore Mick Garris. Ouais. Ah, normalement, ce sera la dernière fois, normalement. Il me semble. Ouais, je crois qu'on en a plus loupé après ça. J'espère pas. Putain, j'ai pas hâte. J'ai des flashbacks du Vietnam de des animaux buis. Ouais. Oh. J'ai pas envie de revoir ça. David Carver, il est joué par Chen Abucha, qui a eu une brève carrière d'enfant acteur, mais qui l'a arrêté dans son adolescence. Il n'a pas continué du tout. D'accord. Et j'ai pas trouvé ce qu'il est devenu. Cynthia Smith est jouée par Kelly Overton, qui joue Vanessa Helsing dans la série Van Helsing sur Sci-Fi, qui s'est arrêtée il y a peu, mais qui est assez récente. Oui. Donc, voilà. J'avais regardé par curiosité les premiers épisodes, j'ai pas trouvé ça transcendant. D'accord. Après, c'est du budget sci-fi. C'est... Voilà. Tom Billingsley, donc l'alcoolique, est joué par Charles Dunning, qui est en début de carrière a plusieurs fois joué pour De Palma. Il est dans Fury et Sœur de Sang. D'accord. On peut citer aussi, dans les trucs un peu importants, il est dans les seconds rôles à chaque fois, mais Un après-midi de chien et To Be or Not To Be, la version avec Mel Brooks. Oui. Et il a fait quand même beaucoup de carrière, de théâtre en début de carrière, et il a repris dans les années 90. Donc il est mort maintenant, mais voilà, il a eu une carrière assez active. D'accord. Après-midi de chien, un film que j'adore, mais je crois que je l'ai déjà dit. Ouais, et moi je suis moins fan. Mais... Il me semble qu'on en a déjà parlé. Ouais. Mais t'as du mal avec le cinéma de. De Lumette. De Lumette. À quelques exceptions près, parce que j'aime quand même beaucoup 12 hommes en colère, faut pas déconner. Oui. Ellie Carver est jouée par Sylva Kellegan, qui a une carrière de petit rôle, et Pai Carver est jouée par Sami Anrati, qui a continué sa carrière d'actrice, même s'il n'y a rien de majeur depuis, elle est toujours actrice assez active. Wouhou, Sami. On se moque pas des noms. On fait une référence à Tiki et Tak, il faut bien faire une référence à Scooby-Doo. Oui, c'est pas faux. D'après Mick Garris, le tournage a été plutôt difficile, évidemment. C'est dans des décors désertiques, donc il faisait chaud, la météo était compliquée, donc voilà, tournage difficile pour tout le monde. Et il y a eu, ironiquement, un accident de tournage, un incendie dans le décor de la mine, qui a fait 2 blessés durant le tournage du flashback. Rien de grave, visiblement, mais ça a fait un peu peur à tout le monde. D'accord. C'est une séquence qui est d'ailleurs tournée sur pellicule à 18 images par seconde pour faire un effet ancien. Oui, qui est une chouette séquence dans le film, d'ailleurs. Oui. Le directeur photo, c'est Christian Sebalt, qui a fait la photo de trucs que j'ai vus comme Terror.com, et c'était pas bien. Starship Troopers 2, et c'était pas bien. Resident Evil Apocalypse, je sais plus lequel c'est, mais c'était sûrement pas bien. Et de beaucoup d'épisodes des séries Les Experts et Lucifer. Lucifer a bonne réputation, pour le coup. Oui, mais après, c'est une série très classique. Ouais. T'as un procédural classique. Mais oui, la photo est pas dégueu, par contre. La photo, là, elle est pas inintéressante, je trouve. Notamment dans les scènes d'intérieur, où il y a un peu un travail soigné. J'ai été surpris, parce que d'habitude, Mingaris, c'est pas des photos oufissimes. Mais là, voilà, il y a un truc. Dehors, c'est moins... On sent que ça a dû être fait vite, quoi. Oui. Ça marche moins. On sent que le désert, c'est chiant. Ouais. Disons que la photo est pas ouf. Il y a des trucs plus intéressants au niveau des choix de cadre sur lesquels on pourra revenir quand on parlera du film. La musique est de Nicolas Pike, donc, dont on a parlé pour La Nuit déchirée et Sac d'Os, et elle est totalement oubliable. Le téléfilm est diffusé le 23 mai 2006 et fait des plutôt mauvaises audiences puisqu'il n'est vu que par 7,5 millions de spectateurs avec des critiques plutôt mauvaises. Visiblement, la chaîne a voulu tenter de le mettre face à American Idol en se disant ça fera un programme très différent. Oh là. Et c'était pas une bonne idée. Ouais, c'est jamais une bonne idée. Voilà. Et aujourd'hui, il a 1,6 étoiles sur Allociné, ce qui le place 60e à égalité avec Les Enfants de Salem et Les Démons du Maïs 7. Et 35% de score d'audience, pour ceux qui n'ont pas de score de fraîcheur, sur Rotten Tomatoes, ce qui le placerait 42e à égalité avec Le Rapace Nocturne. Et voilà, c'était pas... très long, parce que bah, y a pas grand-chose à dire sur ce film, surtout qu'on a vu quasiment tout le monde. Et on peut passer à nos avis. Je t'écoute. Salut. Vous êtes quelqu'un de bien ? Oui, je crois que je suis assez sain. Mais si j'étais un déséquilibré, est-ce que je vous le dirais ? Je le saurais. J'ai un don de voyance. Sympathique. C'est quoi votre nom, juste ? Cynthia Smith. Smith ? Ah, oui. Moi, je suis Napoléon. Non, je vous jure, c'est vrai. C'est ça, oui. Je suis sincère. Oui, oui, oui. Bon, et vous ? Moi ? Steve Ames. Un noble patronyme. Alors, je vous embarque, toi et ton don de voyance, Cynthia Smith, et faisons un bout de route ensemble, ok ? Ouais, je crois que t'es cool. Merci pour le compliment, Poulette. Tu m'appelles pas Poulette et je t'appellerai pas Coco. L'adaptation de Désolation, c'est moins chiant que ce que je m'attendais. Mais par contre, en termes de rythme, ça a exactement les mêmes problèmes que le roman. En moins bien maîtrisé quand même pour les scènes vraiment de rythme, action, tension. Elles sont moins maîtrisées que dans le roman, mais t'as quand même cet énorme ventre mou explicatif, également au cinéma d'ailleurs, puisque le film est très fidèle au roman, mis à part quelques petites choses, des personnages qui sautent, des situations qui ne sont pas là. Ouais, mais c'est la partie cinéma qui est la plus différente au final. Oh, il y a aussi la balade, de David dans le commissariat qui est un peu différente. Oui. Parce que par exemple, il y a pas la séquence où il retrouve des... il retrouve sa petite sœur sur un crochet. Ouais. Il la trouve au pied des marches. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un peu plus sobre. Mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées dans l'adaptation. On a brièvement parlé, il y a des plans qui sont plutôt chouettes. J'aime beaucoup la toute première fois que tu vois le trou de la mine. Oui. Tu vois le trou chinois. Le plan est assez impressionant. Avec... sans doute un drone ou une grue, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Bon, une grue, je pense, à l'époque. Oui, à l'époque, oui, c'est vrai. C'est plutôt une grue qui recule avec la voiture de flic qui contourne le trou chinois. Je trouve que ça rend le plan rend vraiment bien. Et j'aime beaucoup, globalement, la première apparition de Ron Perlman, parce qu'il est vraiment montré de manière ultra menaçante. Il est très souvent filmé en contre-plongée ou alors vraiment... collé à la voiture, et lui, t'as l'impression qu'il est énorme à côté de la voiture, et du coup, c'est dommage, parce que quand il est filmé de plein pied avec d'autres personnages, bah en fait, il fait la même taille qu'eux. Et du coup, tu perds un peu de cet effet de grandeur que Garris a sans doute voulu donner sur toute la première partie où il apparaît. Et globalement, un autre truc que je trouve réussi dans l'adaptation, c'est les décors. Il y a pas mal de décors en intérieur qui sont vraiment chouettes. Oui. J'aime bien le commissariat, j'aime bien le cinéma. Ouais, le cinéma est vraiment beau. On y passe rapidement, mais le supermarché, il est plutôt réussi aussi. Avec toujours cet effet des serpents là, qui sortent du chemisier de la victime, les araignées partout. Je trouve que ça rend plutôt bien et que le décor est suffisamment réussi pour que tu te sentes mal à l'aise en le voyant. Ouais, je suis plutôt d'accord. Pareil, j'ai été, on va dire, agréablement surpris, mais c'est loin d'être fou. Hein, voilà. Oui. Pas... Oui, ne nous enflammons pas. Vous n'ayez pas de fausses espérances. Hein. Mais oui, j'ai été agréablement surpris. À la fois, les scènes d'action fonctionnent beaucoup moins bien que dans le roman, les scènes de tension sont moins bien, mais je trouve quand même que le ventre mou explicatif est moins pénible que dans le roman, oui. Parce qu'il est quand même plus court. Et il y a cette idée qu'on évoquera de le faire via une espèce de film muet qui aurait été créé par Tak et projeté à David, qui amène une sorte d'humour et d'originalité qui rend ça moins pénible. Oui, c'est très très, c'est très bien amené. Ouais. Et c'est logique. Oui. Puisque ça se passe dans un cinéma, lui, c'est une espèce de vieux cinématographe où t'es obligé de tourner pour une manivelle pour voir le film se dérouler devant tes yeux. Ça justifie, ça permet de retomber sur ses pattes avec la disparition du personnage d'Audrey qui est normalement un peu le moteur de la partie au cinéma. Ouais. Donc voilà, et puis niveau éclairage, je trouve qu'elle est magnifique cette partie-là. Tous les plans où ils sont sur la scène, je trouve ça très joli. Donc il y a des bonnes idées. En fait, niveau réalisation, ça alterne entre bonnes idées et moins bonnes idées. Oui. Ron Perlman joue bien, ouais, ça, clairement. Ah oui, lui, il est vraiment inquiétant dans le rôle. Il y a d'autres acteurs que je trouve bien. Encore une fois, le duo Steve Ames, Cynthia, je trouve qu'ils sont bien interprétés. Ouais. Je suis moins fan de Ralph Carver. Ouais. David, bah, c'est compliqué, le rôle à défendre. Donc pareil, je suis pas fan de ce que fait l'enfant. Ouais. Mais bon, voilà, c'est inégal, mais il y a des trucs intéressants niveau cast. J'aime beaucoup sa mère une fois qu'elle est possédée. Oui. Elle le fait bien, ouais. Et le maquillage aide bien, le maquillage est vraiment pas mal. Hein. Il y a un moment où elle se fout sur la gueule avec Marie. Oui, quand on lui arrache la mâchoire. Là. Ouais, elle lui arrache un bout de mâchoire, et putain, du coup, elle a la mâchoire à vif. Il y a une prothèse, quoi, et la prothèse est vraiment bien faite, pour le coup. Ce qui est un peu, on y reviendra, les maquillages, il y en a que je trouve réussis, il y en a que je trouve assez ratés, donc on pourra y revenir. Niveau réalisation, bah c'est pareil, en fait, il y a énormément d'utilisation du grand angle, ouais. Globalement, à la fois sur les personnages, sur les méchants, et sur les décors et sur les personnages, je trouve que ça donne vite un effet Jean-Marie Poiret. Hein. Ouais. Moi, j'avais l'impression d'être dans Les Visiteurs 2, des fois. C'est un peu épileptique. Ouais, et puis surtout, moi, ça me fait pas très peur, en vrai, le grand angle. J'ai dû trop le voir, donc bah, j'avais plus l'impression de voir Jacouille qu'un flic tueur. Surtout que vraiment Corinne Perlman, il s'énerve là. Ouais. Que c'est filmé en gros plan, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il fait. Mais à côté de ça, dans pas mal de décors, le grand angle permet de créer des perspectives totalement abusées, qui marchent bien, qui soulignent bien l'impression de ville fantôme. Ouais. Ça marche bien, d'autant qu'il y a un autre choix que je trouve assez intelligent, surtout en extérieur pour le coup, et c'est la bonne idée des scènes d'extérieur. Très souvent, les personnages sont filmés au second plan, avec un objet normalement assez petit, mais qui est mis en plein milieu du premier plan, genre un cactus ou un truc du genre. Il y a régulièrement des plans comme ça qui font qu'on a un objet inutile au premier plan, en immense, et que les personnages paraissent assez petits à l'arrière. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça assez intelligent, et ça fait partie, limite, des trucs qu'on a vu de Mick Garris. C'est celui qui a le plus d'idées de réalisation, je trouve, d'assez loin. Je suis d'accord. Parce que même dès le début du film, il y a un plan qui est chouette, quand Intrigan chope Peter et Mary Jackson, tu sais, il les fout dans sa bagnole de shérif, et du coup, il s'en va. Et je me souviens du plan. T'as la bagnole qui t'es en espèce de. T'es en hauteur, en contre-plongée. Ouais. Et la bagnole s'éloigne comme ça, et ça fait un plan en fait très GTA avant l'heure. Oui. Le plan est assez marquant. Ouais. Bon, après, moi, dans les plans qui m'ont un peu dérangé, il y a celui de fin, mais c'est parce que j'ai un problème. Moi, tu mets un espèce de drone et un camion qui roule. C'est pas, pour moi, c'est pas sorcier. Il n'y a pas photo, c'est le générique de fin pour moi, c'est celui de C'est pas sorcier en fait. Voilà, mais ça doit être un problème perso, j'imagine. Et dis donc, Jamy, comment on combat Tak? Et dis donc, Jamy, c'est quoi ces statues dans la mine? Faut pas les toucher. Évite de toucher la statue, Serge. Au niveau de l'adaptation, il y a des moments où je trouve ça vraiment trop rapide, à la limite. J'ai limite l'impression qu'il manque des plans dans certaines scènes, notamment la première scène au commissariat, quand Marie y arrive, quand elle veut tirer sur sur Entrangian, j'ai l'impression qu'il manque des plans, ça va trop vite. Ouais. Pour le coup, la présentation de David, ça va trop vite aussi, notamment le fait que sa mère s'énerve à mort dès qu'il se met à prier. Oui. On comprend pas pourquoi elle pète un cap comme ça dans l'adaptation, alors que dans le roman, il y a tout le passif où il a sombré petit à petit, enfin où il est venu petit à petit à la religion, oui, où il a la relation quasi fusionnelle avec le prêtre, avec le pasteur, que ses parents voient pas d'un très bon œil. Parce que là, tu ne vois que le film, tu te dis, je veux bien être raté, mais quand même. Ouais, elle pète un cap super rapidement. Un peu de respect quand même pour les croyants. Un minimum. Surtout qu'il fait juste prier, on a l'impression qu'il fait rien de dramatique. Oui, il fait une prière, oui, il fait juste une simple prière. Il y a tout le passif avec Brian, hein, qui est expédié à une vitesse grand V, tu fais oui. Plus ce que c'est que ça. Du coup, t'as encore plus de mal à croire à la dévotion de David, pour ce que là, tu te rends pas tellement compte que Brian prend un choc de malade, en fait. Oui, t'as pas un choc qu'il est en train de crever, quoi. Ouais. Alors que oui, quand dans le roman, il y a cette fatalité, parce qu'il est branché aux machines, c'est les machines qui le maintiennent en vie, on te le dit. Ah, ça t'explique qu'il a vraiment le corps enfoncé. Voilà. Ouais. Normalement, c'est il est vraiment bien blessé. Et oui, ça n'appuie pas assez sur ça dans l'adaptation, clairement. Je trouve la réutilisation de la petite sœur dans les visions de David que c'est une plutôt bonne idée. Oui, sauf quand elle se met à parler comme une adulte. Voilà, j'allais dire la même chose. Bah voilà. Elle aurait dû rester comme une enfant, vraiment. Parce que sinon, c'est plutôt un bon moyen de faire passer le fait qu'il ait du mal à faire son deuil, normal. Il y a quand même un moment où elle cite du John Ford. Tu dis, bah non, en fait. Ouais. C'est pas possible. Une gamine de 9 ans ne va pas citer du John Ford. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous un peu. Le Red Rum était dispensable dans une des scènes de rêve, justement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. On aurait pu s'en passer. C'est vrai qu'il y a ça. Je me suis dit, bah, comment ça? Et voilà, après, pour montrer l'alternance de bonnes et de mauvaises idées, bah, y a le savon qui brille, par exemple, ça c'est dégueulasse. Oui. Parce que oui, il sent lui de savon, David, pour passer à travers les barreaux de sa cellule. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Alors que pourtant, par contre, les deux scènes sont réussies, que ce soit dans le roman ou dans le film. Oui. Enfin, dans le téléfilm. Oui. Mais globalement, d'ailleurs, dans le téléfilm, il y a que les attaques animales... des volatiles qui sont ratés. Parce oui. que les chiens sont menaçants. Alors là, du coup, dans le téléfilm, c'est pas des coyotes, c'est une meute de chiens. C'est divers races de chiens. Ouais, j'imagine que c'est pour une question de dressage, ça doit être plus simple de dresser les chiens que des coyotes. Et du coup, c'est que des petits busards dans le téléfilm, c'est pas des aigles ou des vautours qui, eux... Non, bah c'est impressionnant, un vautour, quand même. Quand tu vois un vautour, t'as pas envie de le faire chier, quoi. Bah, la différence, c'est que dans le téléfilm, les busards sont censés être là quand ils sont plusieurs, quand ils sont en meute, ou quand le but n'est pas de tuer, quand ils attaquent Marinville. Oui, voilà. Là, c'est remplacé par Cynthia, elle se fait attaquer par un busard. Mais donc, oui, il y a vraiment que les piafs, en fait, qui sont moins menaçants. Mm-hmm. Que les autres scènes d'attaque animale sont réussies. Au niveau des effets de maquillage, bah, j'ai l'impression, c'est pas tant qu'il y en a des réussis et des ratés, c'est qu'il y en a... J'ai l'impression que la censure, le niveau de la censure n'était pas le même d'une scène à l'autre du film, parce que je trouve qu'il y a des trucs très gore par moment, enfin très gore, pour du téléfilm bien gore, et il y en a d'autres où on sent qu'il y a eu des retenues de la chaîne. Par exemple, les maquillages de Ron Perlman, je les trouve pas ouf. Oui, ils sont moins réussis. Parce qu'ils sont jamais très inquiétants, ils sont jamais très osés. Et à côté de ça, on va voir un cadavre avec des crayons plantés dans les yeux, on va avoir la mâchoire arrachée de Ellie. Il y a un côté deux poids, deux mesures qui est assez étrange, je trouve. Alors ça, aux États-Unis, parce que je ne sais pas le cas chez nous, mais ça pourrait peut-être s'expliquer à l'horaire de diffusion. Oui, je me suis dit que c'était peut-être ça, l'horaire de diffusion qui a changé. Ça a changé de case horaire en cours de progression. Qui fait que du coup, tu peux y aller un peu plus brutalement. Mm. Je sais qu'il y a un truc qui aussi empêche de mettre trop de sang liquide sur une personne vivante. Qui a dû gêner pour Ron Perlman. Ouais. Alors qu'il y a aussi des effusions de sang sur des cadavres. Oui. Ah, il y a des trucs, moi, qui m'ont dérangé dans l'adaptation, c'est des fois, t'as des trucs purement fantastiques, tu ne sais pas d'où ça sort. Je pense notamment au supermarché, à un moment, il y a une machine de casino. Ouais. Et t'as les trois cerises qui s'alignent et paf, t'as une énorme giclée de sang qui jaillit de la machine. Tu fais comment ça? tu te dis, bah, c'est pas Gripshou là qu'on combat, là. Qu'est-ce qui se oui, passe? Oui, effectivement. Et t'as la même, juste après qu'il bute le Messa, tu peux prendre ça comme un flashback bizarre de Marinville, juste après qu'il shoot le Cougar. Ouais. Et que t'as plein de lavabo qui crache du sang à ce moment-là. Mais vu que lui, il est dans son délire. Ouais, Marinville, c'est peut-être vécu un peu plus justifié parce qu'il a ses PTSD. Hein. Voilà, avec le bar au Vietnam et tout et tout. Pour le coup, il est assez réussi, je trouve, son flashback. Oui, qui réutilise le décor du cinéma. Ouais, c'est ça, qui réutilise intelligemment le décor du cinéma, qui mêle bien réalité et fantasme. Ouais. Ce moment-là est vraiment réussi. Ouais, l'explosion est un peu dégueulasse. Oui. Et c'est dommage parce que le plan d'avant, où il y a juste lui qui est au ralenti alors que tout le monde vit normalement, lui, le plan est sympa. Et bon, bah après, du coup, faute de budget, l'explosion du bar, parce qu'en fait, il y a un attentat terroriste qui est commis dans le bar où il se trouve, qui est un bar qui accueille les Yankees, tout simplement, en fait. Il y a un attentat qui est commis et l'explosion est dégueulasse. Voilà. Parce que faute de budget, ouais. J'imagine. Tout comme l'explosion de la mine est dégueulasse. Oui. Tu plaisantes, j'espère. Tu ne veux pas sérieusement qu'on aille au fond de cette mine de malheur pour jouer les héros. Petit, il faut qu'on s'en aille. Vous vouliez que je vous parle de Dieu? Je vais vous dire ce que je sais. Il œuvre à travers les gens. Et là, il essaie d'œuvrer à travers nous. Eh ben, moi, je crois qu'il faut essayer de la sauver. Ah ben, voilà autre chose. Écoutez, c'est ensemble qu'on y arrivera. Tak n'est ni un homme ni une femme, il n'est pas ce qu'il incarne. C'est le camp de Tak, le cœur de l'informe, la grande puissance maléfique. Ce n'est qu'en restant ensemble qu'on pourra le vaincre. Vous ne le sentez pas? Bah, non, je regrette, je ne sens rien. Et puis je vais te dire, il faut pas croire tout ce que tu vois dans les films. Tak est comme vous. Il veut qu'on quitte la ville. Alors pourquoi ne lui ferait-on pas ce plaisir? Parce qu'il y a Marie. Ce n'est pas moi qui l'ai amenée ici ou qui l'ai fait descendre dans cette mine, si c'est bien là qu'elle se trouve. Alors n'essayez pas de me culpabiliser. Maintenant, si ça vous dit d'essayer de pénétrer les voies du Seigneur avec le gamin, allez-y. Mais moi, je cède ma place. Et ce n'est pas ton Dieu qui m'arrêtera. Non. Il nous laisse faire nos choix. Exactement. Dieu respecte notre libre arbitre. Alléluia. Je vais sortir, trouver une voiture avec les clés sur le contact et reprendre le cours de mon voyage interrompu. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale du paradis. Vous voulez que je vous dise, je viens de perdre toute l'estime que j'avais pour vous. Oh, quelle honte! J'ai perdu l'estime d'un homme qui, à une époque, accordait les guitares de Bob Dylan. Merde alors! Bah, le personnage de Marinville, on peut y venir, je le trouve moins bien dans le téléfilm. Il est plus doux. Bah oui, c'est problématique parce que, en fait, pendant l'équivalent des deux premières parties, en fait, il est plutôt sympa, Marinville, dans le téléfilm. Il n'y a pas du tout les ambiguïtés qu'il y a dans le roman, où notamment c'est lui qui fait reboire Tom Billingsley normalement parce qu'il est jaloux. Après là, il le stoppe direct. C'est dans les cas, il le stoppe. Et du coup, son retournement quand il veut pas suivre David, quand il refuse absolument et qu'il devient assez, assez cynique quand il s'agit d'aller à la mine, bah là, il est trop brutal, en fait. On sait pas trop d'où ça sort, alors que c'était un personnage plutôt gentil jusqu'à présent. Il devient acerbe, assez direct, quoi. Ouais. Alors que limite, en plus, il faisait un peu papy gentil, un peu Henri Dess avec sa petite moustache et compagnie, donc il n'inspirait pas du tout l'antipathie, alors qu'il est censé l'inspirer dans le roman. C'est ça. Au moins en partie, en tout cas. Donc oui, c'est vrai que le changement est un peu trop brutal. En fait, il aurait dû garder la mentalité qu'il a dans le téléfilm, mais jusqu'au bout, simplement. Ouais. Quitte à faire que il croit David au final et qu'il y aille, mais du coup là, ça crée une incohérence, en fait. C'est ça le vrai problème. Ouais. Bon, on retrouve l'histoire des Chinois, même si là, les Chinois sont encore plus utilisés comme bouc émissaire que dans le roman. Donc pourquoi pas, c'est pas forcément mal. C'est raconté donc dans le film que regarde David au cinéma. Ouais, c'est ça. Le plan qui est sympa d'ailleurs, quand il le plan en contre-plongée qui filme ses yeux alors que lui est installé dans la machine, dans le cinématographe, alors qu'il est en train de regarder à l'intérieur, ça donne des bons plans. Ouais, ouais, ça rend vraiment pas mal ça. Et donc oui, c'est un film tourné avec les moyens de l'époque, donc muet. Sépia. Sépia, avec des taches sur l'écran forcément. Bon, un 16/9 pour pas avoir les bandes noires. Mais... Oui, mais bon. C'est la seule compromission qui est faite. Mais c'est vraiment, je trouve, une bonne idée. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je sais pas si elle vient de King ou de Garris, du coup. Mais c'est une bonne idée de mise en scène, pour le coup. Bah, après, le budget va aussi poser problème, effectivement, à la fin, quand Tak est censé s'incarner dans un animal, parce que dans le roman, il y a cette histoire de vautour qui est un animal suffisamment grand pour l'accueillir, pour qu'il fasse ses derniers dégâts. Dans un aigle, dans le roman, pardon. Oui. Là, c'est justement juste un busard, quoi, ou un vautour, à la limite, mais c'est un petit truc, il y en a plein depuis longtemps dans le film. Donc on comprend pas pourquoi il a pas fait ça dès le début, pour aller de ville en ville, en changeant régulièrement d'hôte, oui, pour aller coloniser le monde, en fait. Ça crée une vraie incohérence dans le téléfilm. Mm. Et ça rend la fin encore moins impressionnante, parce que bon, on comprend pas comment cette bestiole-là fait pour tuer Ralph, en fait. Le blesser à la limite, mais le tuer. Oh, ça peut tuer si ça tape bien, mais ce serait pas aussi... Voilà. Oui. Aussi, là, ils sont quand même direct. Beaucoup autour de lui à pouvoir intervenir. Oui, on est d'accord. Mais disons que normalement, un coup de serre acéré au niveau de la carotide, bon, bah t'y passes. Mais c'est juste que là, il meurt d'un coup. Ouais. C'est ultra rapide. Ouais, ça passe vraiment pas très bien. Voilà. En plus, la scène n'est pas extrêmement bien éclairée, parce que il faut dire ce qu'il y a quand même. Autant les passages en extérieur en journée, ça va. Quand c'est des nuits américaines, c'est un peu dégueulasse. Ouais, non, quand même. Elles sont pas bien, les nuits américaines. Voilà, donc du coup, ça aide pas. Sans les problèmes, ouais. C'est dommage, je pense que c'est toute la fin, entre autres, qui est dehors de nuit. Et sauf quand t'as un décor éclairé, donc le décor de la tanière de Tak, bon bah. c'est pas très beau. Bon, bah. Il y a un effort, quoi. En fait, on sent l'effort, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils sont allés à Nature et Découverte et qu'ils ont acheté des trucs ou à Jardiland et qu'ils ont pris les décors pour aquarium. Oui, voilà. Bon, bah voilà, il y a une bonne idée. Ils ont acheté un kit Temple Perdu Indiana Jones, mais pour les nuls. Ouais, c'est ça. mais il y a de l'idée, par contre, vraiment. Oui, il y a vraiment une tentative avec un peu plus de budget. Il aurait été très bien, ce décor. Avec vraiment le puits qui va tout au bout et la petite lumière rouge menaçante au fond. Ça fait très, mine de rien, pour le coup, ça fait très tanière de ça. Oui. J'ai trouvé, ça fait très les lumières mortes. Il y a un peu des similitudes entre Tak et ça en même temps. C'est pour ça que j'ai bien appuyé sur, quand on était à la partie roman, sur on sait pas s'il vient de notre monde ou pas, quoi. Ouais. Ah, c'est dommage. Par contre, Tak qui essaye de prendre possession de Marinville quand il arrive dans le puits, et l'autre, tout ce qu'il a pour se protéger, c'est un casque avec une visière dégueulasse. Mais je crois que ça y est aussi dans le roman, mais ça passe en roman, mais quand on le voit, ouais, c'est nul. Bah, quand on le voit, c'est nul, parce que le casque, tu le vois, et tu te dis, bah, pourquoi il passe pas en dessous. Et juste après, il y a l'autre truc que je n'aime pas du tout au cinéma, c'est quand on fait un flashback, mais de plus tôt dans le film, d'un truc qui vient d'arriver. On voit Johnny qui vient de voler, parce qu'en fait, David, à un moment, a ramassé une balle de fusil. Au tout début de l'intrigue. Qui permet de faire exploser la mine à la fin. Et Johnny la lui vole pour se sacrifier à la place de David. Et là, on a un flashback de quand Johnny vole la balle à David, et c'était pas nécessaire, en fait. Non, parce que c'était quelques minutes avant. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un truc de téléfilm pour te... enfin, de téléfilm, voilà. De la saga Saw, d'ailleurs. La saga Saw abuse aussi à fond de cette technique-là. Encore le flashback encore le flashback de David qui ramasse la cartouche. Parce que là, c'est vraiment au tout début du film. Je peux dire, bon, d'accord, ça passe. Ouais, encore mais que, là, au bout d'un moment, faites confiance au public, quand même. Ouais, mais ça, tu connais les producteurs. Oui, mais bon. Mais il y a même de fortes chances que ça soit même pas une volonté de Garris ou de qui que ce soit. Oui, c'est possible, ça. Que ce soit vraiment les prods qu'on dit, non, mais faut leur rappeler, ils sont un peu cons. L'album photo, à la fin, je trouvais ça un peu touchant. Oui, c'est rigolo. Ça dure peut-être un peu longtemps, la scène, mais sinon, c'est joli. Je suis d'accord. Une grosse référence christique. Ah bah de toute façon le film est là il respecte le roman, hein, il est perclus, donc les problèmes qu'on a signalés autour de la religion dans le roman, on trouve exactement les mêmes dans le film. Hein. C'est quoi du coup, c'est Dieu n'est qu'amour, c'est ça je crois. Oui, Dieu est amour, ouais, c'est ça. Alors qu'il a tué. Alors qu'il a laissé crever toute ta famille, mais bon. C'est ça. C'est un peu bizarre comme choix de. comme choix pour terminer ton truc. Ouais. Non, ça, les problèmes sur le message, on retrouve exactement les mêmes que dans le roman. Il n'y a pas photo. En moins présent, quand même, je trouve. En un peu plus léger. Parce que moins long. Oui, parce que c'est moins long, mais c'est quand même pas mal présent. Oui. Dans la fin, c'est quand même pas mal présent. Les scènes avec les animaux sont semi-efficaces. Elles ont quand même un côté fort boyard, je trouve, des oui. fois avec les serpents, mais bon, voilà. Ah, mais elle fonctionne. Non, oui, c'est un film entre deux. Tu vois, le moment où justement c'est Marie qui est dans la tanière, je trouve qu'il fonctionne bien quand elle est oui. effrayée par les grosses araignées et tout. Oui, effectivement, ouais, ce moment-là fonctionne plutôt pas mal. Tu la comprends ? T'es pas dans ses pensées, donc tu n'as pas la réflexion brutale du « ils peuvent pas me faire de mal, donc je peux me barrer ». Mais tu la comprends quand même. Oui, c'est bien amené. Non, mais je pense que c'est tout ce que j'allais dire de cette adaptation. Oui, moi aussi, c'est une adaptation... étonnamment correcte. Voilà, c'est ça, c'est pas la meilleure qu'on ait fait, et c'est loin d'être la pire aussi. Elle partait pas du meilleur non plus, donc elle n'était pas aidée. C'est du moyen, mais quand même moyen plus. Ouais. On va prendre un petit extrait. Ouais. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. Très bien, nous allons parler donc d'une scène au début du roman et au début de son adaptation. Nous sommes dans le premier chapitre avec l'arrestation de Marie et Peter Jackson. Ils ont donc été arrêtés à la base pour excès de vitesse, mais le flic a découvert de la drogue dans leur coffre, du cannabis, 3 kilos je crois, qui appartiendrait à la sœur de... C'est même pas pour l'excès de vitesse qu'ils se font choper, c'est pour la plaque d'immatriculation. Ah oui, ben, y a les deux. Au début ils parlent d'excès de vitesse, ensuite il y a la plaque d'immatriculation, ah. Et après il y a la drogue. D'accord. Et donc voilà, qui appartiendrait à la sœur de Peter... Et là, le flic les embarque, et Marie et Peter commencent à se sentir assez mal à l'aise, à comprendre qu'il y a des trucs qui vont peut-être pas aussi bien que prévu. Nous sommes à la page 32 de l'édition Albin Michel, donc en grand format. La traduction est de Dominique Peters. Devant, le véhicule, avec son pare-brise teinté tourné vers Fallon, Carson City et le lac Tahoe, n'était pas un camion, mais un camping-car. Pas un mastodonte, mais assez grand tout de même, de couleur crème, avec une bande vert foncé sur le côté. Sur le capot, on avait écrit avec la même peinture vert foncé « Quatre joyeux voyageurs ». Le véhicule était poussiéreux et penché de façon bizarre, illogique. En s'approchant, Peter remarqua quelque chose de curieux. Les trois pneus en vue, celui du conducteur et les deux pneus arrière, semblaient à plat. Il se dit que le pneu avant droit était sans doute à plat aussi. Quatre pneus à plat justifiaient le curieux aspect penché du véhicule, mais comment en arrivait-on à crever quatre pneus d'un coup ? Des clous sur la route ? Du verre ? Il regarda Marie, mais Marie avait toujours le regard désespérément levé vers le rétroviseur. « Si nous avions mis nous-mêmes cette drogue sous le pneu, disait-elle, si elle était à nous, alors pourquoi, grand Dieu, Peter aurait-il enlevé le pneu pour que vous la découvriez ? Il aurait très bien pu glisser la main derrière et attraper la caisse à outils. Il aurait eu un peu de mal, mais il y avait la place. » Ils dépassèrent le camping-car. La porte latérale était rabattue mais pas fermée et les marches étaient descendues. Une poupée à leurs pieds dans la poussière, sa robe soulevée par le vent. Peter ferma les yeux. Il ne savait pas d'ailleurs s'il les avait fermés ou s'il s'était fermé tout seul. Cela n'avait pas beaucoup d'importance. Tout ce qu'il savait, c'était que le gentil flic avait dépassé le camping-car comme s'il ne l'avait pas vu ou comme s'il le connaissait déjà très bien. Des paroles d'une vieille chanson traversèrent son esprit. « Il se passe quelque chose ici. Quoi ? Ce n'est pas très précis. »« Est-ce que vous nous croyez stupides ? » demanda Marie alors que le camping-car disparaissait derrière eux, comme avait disparu la cura de Dreid. « Ou Camé ? Est-ce que vous pensez que nous sommes... »« Taisez-vous, » dit le flic. Il avait parlé doucement, mais on ne pouvait ignorer l'agressivité de sa voix. Marie était penchée en avant, les doigts dans les trous du filet séparant l'avant et l'arrière de l'habitacle. Ses mains tombèrent sur ses genoux et elle tourna un visage choqué vers Peter. Elle était femme de professeur, elle avait publié des poèmes dans une vingtaine de magazines depuis sa première tentative 8 ans plus tôt. Elle participait 2 fois par semaine à des groupes de discussion. Elle avait sérieusement envisagé de se faire percer le nez. Peter se demanda quand on avait bien pu pour la dernière fois lui dire de se taire. Il se demanda si quiconque lui avait jamais dit de se taire. « Quoi ? » demanda-t-elle d'un ton qu'elle voulait peut-être agressif ou même menaçant et qui ne fut que stupéfait. « Que m'avez-vous dit ?»« Je vous arrête, votre mari et vous, sous l'inculpation de possession de Marie-Juana avec l'intention de la vendre, » dit le flic d'une voix sèche, de robot. En regardant le tableau de bord, Peter découvrit un ours en plastique collé entre la boussole et un écran de radar. C'était un petit ours, de la taille des jouets qu'on gagne dans les foires, et il avait un ressort dans le cou. Il regardait Peter de ses yeux peints, vides. « C'est un cauchemar, se dit-il, sachant bien que non. C'est forcément un cauchemar. Je sais que ça semble être la réalité, mais ça ne peut l'être. »« Vous n'êtes pas sérieux ?» dit Marie d'une petite voix choquée, la voix de quelqu'un de raisonnable dont les yeux s'emplissaient à nouveau de larmes. « Vous ne pouvez pas être sérieux !»« Vous avez le droit de garder le silence, » dit le grand flic de sa voix de robot. « Si vous choisissez de parler, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Je vais vous tuer. » Si vous n'en avez pas les moyens, nous vous en commettrons un d'office. Comprenez-vous vos droits tels que je vous les ai énoncés ? Marie regardait Peter, ses yeux immenses et horrifiés, lui demandant en silence s'il avait entendu les quatre mots que le flic, de sa voix de robot parfaitement uniforme, avait insérés au milieu des phrases traditionnelles. Peter hocha la tête, il avait bien entendu, et glissa la main entre ses cuisses, certain d'y trouver de l'humidité, mais il ne s'était pas mouillé. Pas encore, en tout cas. Il entoura de son bras les épaules de Marie et la sentit trembler. Il pensait toujours au camping-car derrière eux, à la porte entrouverte, à la poupée gisant dans la poussière de la route, aux pneus à plein. Et il y avait aussi ce chat mort que Marie avait vu cloué au panneau de limitation de vitesse. « Comprenez-vous vos droits ?»« Agis normalement, il n'a sans doute pas la moindre idée de ce qu'il a dit, alors comporte-toi comme si de rien n'était. » Mais qu'est-ce qui était normal quand vous vous retrouviez sur le siège arrière d'une voiture de police conduite par un géant fou, un homme qui venait de dire qu'il allait vous tuer ? Comprenez-vous vos droits ? Demanda à nouveau la voix de robot. Peter ouvrit la bouche, mais il n'en sortit qu'un coassement. Le flic tourna alors la tête. Son visage, rougi par le soleil quand il les avait arrêtés, avait pâli. Ses yeux, très grands, saillaient des orbites comme des billes de verre. Il s'était mordu les lèvres comme pour étouffer quelque rage monstrueuse et deux filets de sang s'écoulaient sur son menton. Comprenez-vous vos droits ? Leur hurla le flic alors que la voiture filait à près de 100 à l'heure sur une route à deux voies. « Comprenez-vous vos droits, oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Répondez-moi, vous, les juifs géniaux de New York !»« Oui !» cria Peter, « nous les comprenons, mais gardez les yeux sur la route, pour l'amour du ciel, regardez où vous allez !» Le flic continua à les fixer à travers le filet, le visage décoloré, le sang coulant de sa lèvre inférieure. La Capriccia, qui avait commencé à dériver sur la gauche jusqu'à passer dans l'autre fil, se rabattait maintenant à droite. « Ne vous en faites pas pour moi, » dit le flic d'une voix douce. « Oh non, j'ai des yeux derrière la tête. En fait, j'ai des yeux presque partout. Vous feriez mieux de vous en souvenir. » Il se retourna soudain et ralentit. Le siège appuya à nouveau douloureusement sur les genoux de Peter, l'immobilisant. Peter prit les mains de Marie dans les siennes. Elle pressa son visage contre sa poitrine et il sentit les sanglots qu'elle essayait d'étouffer. Il la traversait comme le vent. Il regarda le filet par-dessus son épaule, la tête de l'ours oscillait sur son ressort. « Je vois des trous comme des yeux, » dit le flic, « mon esprit en est plein. » Il ne dit plus rien jusqu'à ce qu'il soit en ville. Et maintenant, la même scène dans le téléfilm. Enfin, c'est ridicule. On vous a dit que c'était pas notre voiture et cette drogue n'est pas à nous non plus. Vous croyez vraiment qu'on soit idiots? Traitez-vous, espèce de dégénérée new-yorkaise. Quoi? Comment vous m'avez appelé? Je vous arrête tous les deux pour possession de marijuana avec intention de la vendre. Oh non, vous plaisantez? Vous avez le droit de garder le silence. Si vous choisissez de parler, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat, j'ai l'intention de vous tuer. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, on vous en commettra un d'office. Est-ce que vous comprenez vos droits tels que je vous les ai énoncés? Vous comprenez vos droits? Écoutez, il vaut mieux ne pas relever. Je ne crois pas qu'il réalise vraiment ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous comprenez vos droits? Oui ou non? Répondez-moi, vous les petits malins qui portez des jeans unisex et des lavés! Répondez-moi, vous comprenez oui ou non? Oui, oui, oui, oui, nous comprenons, mais regardez la route. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai même des yeux derrière la tête. Vous feriez mieux de vous en souvenir. Très bien, donc bah, comme souvent avec les scénarios de King, on est quand même sur une adaptation plutôt fidèle. Oui, même mot pour mot dans le dialogue. Oui, dans certains dialogues, oui, il y a des choses qui sont un peu supprimées, mais sinon, oui. On a bah, Ron Perlman qui commence à jouer le fou, donc ça passe toujours bien. Oui. En fait, c'est quelque chose qui marche. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Après, Il y a le début de, sa transformation physique avec la bouche qui devient sèche, les cloques qui apparaissent par-ci par-là. Il commence à y avoir le début de transformation. Mmh. Ouais. C'est les moments où ça marche encore, je trouve, sa transformation. Ouais. C'est quand elle est censée devenir plus, plus violente qu'elle pose problème, je trouve. Parce que là, c'est discret. Mmh. Du coup, les maquillages sont discrets et il n'y a pas de souci. C'est ce moment-là où, il roule et où tu as une haie d'honneur de sa troupe de chiens, là. Oui. C'est à ce moment-là et je trouve que la scène rend bien aussi. Ouais. Parce que du coup, c'est juste après qu'ils disent « j'ai des yeux dans le dos, enfin j'ai des yeux derrière la tête, en fait j'ai des yeux partout ». Et du coup, tu vois la meute de chien tout de suite après et tu fais « ah oui, d'accord ». Le camping-car, il est suffisamment bien filmé pour que là, il attire l'attention sans qu'on sache encore exactement pourquoi. Oui, tu le vois un petit peu sur le côté, tu vois la porte qui s'ouvre et se ferme au rythme du vent. Ouais. Et t'as la poupée sur le sol, je crois. Oui. Oui, parce que Cynthia la retrouvera plus tard. Mm. Le défaut, c'est les grands angles qu'on a déjà signalés qui rendent un peu ridicules les plans sur Ron Perlman. Oui, quand il dit oui ou s'énerve. Non, oui ou non. Ouais. C'est l'esprit jour-nuit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une scène qui fonctionne pas mal et qui est plutôt représentative du film, en fait, qui est pas déplaisante, qui adapte pas trop mal. Oui, clairement, oui. Oui, d'accord. Mais on avait déjà signalé que la perte d'Entrangian était un peu un problème dans le roman. Ça l'est aussi dans le téléfilm, parce que du coup, on perd Ron Perlman. Hein, et le téléfilm perd quand même une de ses forces sur la deuxième moitié. Mais c'est vrai que lui, par contre, dans le téléfilm, il revient de temps en temps, en vision. Typiquement... Ouais, pas beaucoup quand même. L'explosion du bar au Vietnam, tu le vois. Oui. Ouais, mais c'est très peu, quoi. C'est très bref, mais voilà. Mm. Mais oui, lui, il est excellent dedans. Comme tu dis, il n'y a vraiment que les plans serrés, qui font très les visiteurs. Mm. Il devrait faire un remake de visiteurs, mais avec Ron Perlman dans le rôle de Jacouille. Ah, j'allais dire un remake de Désolation avec Christian Clavier dans le rôle d'Entrangian, mais son idée est bien aussi. Night, day, night, day. Et tu trouves un truc à Jean Reno, tu lui donnes Maraville, par exemple. Ron Perlman a un bonbon poissonné. Le Twix chocolaté. Le chocolat crunch. Ah oui, c'est crunch, c'est pas Twix. Pardon. Non mais voilà, c'est une adaptation à laquelle vous pouvez laisser votre chance. Je propose qu'on classe. Oui, on peut y aller. Grand temps donc de classer Désolation. Nous allons commencer par la liste des écrits. Comme d'habitude, c'est moi qui la commence. Nous avons 48 écrits actuellement. Les 5 premiers étant Sagdos, Cimetière, Ça, Charlie et 22-11-63. Alors que les 5 derniers sont Le Radeau, L'année du loup-garou, Docteur Sleep, Le cinquième quart et Grand Chauffeur. Alors, où va Désolation ? Déjà, il se trouve pour moi aux alentours du fléau. Ouais. Parce que du coup, il a les mêmes problèmes. Mais j'ai quand même plus de sympathie avec Désolation parce que c'est moins long que le fléau. Ouais, mais les bons moments du fléau sont quand même mieux. C'est pas faux. Bah écoute, ça serait soit au-dessus, soit en dessous. Parce que quoi qu'il en soit, vu que c'est les mêmes soucis. Voilà, et puis quoi qu'il en soit, Désolation, ça reste mieux que Dreamcatcher. Oui. Ça, il n'y a pas photo. Donc, soit au-dessus, soit en dessous. Je laisse choisir. Moi, je l'aurais mis en dessous, je pense. Mais je sais pas. Je laisse choisir. Je pense que je relirais avec plus de sympathie le début de Désolation plutôt que le début du fléau. Bon, à ce moment-là, on va le mettre au-dessus. Hein, si au-dessus. Ça me va. Donc, entre Désintox Inc. et le fléau, nouvelle place de Désolation. Très bien. Et du côté des films, nous avons 69 œuvres pour le moment. Enfin, des films, téléfilms, etc. Avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, The Mist de Christian Thorpe, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Du coup, t'en as cité 6 parce que tu es gourmand. Ah oui. Oui, bon, peut-être. Bon, voilà. C'est ça la générosité. Et Désolation. On va faire un partant du bas et remonter petit à petit. Pour moi, on est au-dessus de la Tour Sombre. Au-dessus de ça, il est revenu. On commence à arriver dans la zone où j'ai plus d'hésitation. C'est-à-dire ? Non, on remonte même un peu. Il est mieux que La Nuit déchirée, je pense, hein, qu'on a fait la dernière fois. Mais là, je pense qu'il n'a plus tellement remonté, par contre. Au-dessus de La Nuit déchirée, oui. Ouais, pour ce que je préfère celle, quand même. Ouais, ouais. Donc peut-être juste au-dessus de La Nuit déchirée. Ouais. En sachant qu'il est plus inégal, quoi. Il y a des trucs moins bien et il y a des trucs mieux. Il est mieux réalisé. Enfin, il y a des meilleures idées de réel que La Nuit déchirée, mais aussi des moins bonnes. Une duologie de Mick Garris. Ouais, donc on va le mettre là. Désolation prend la 34e place entre celle de Todd Williams et La Nuit déchirée de Mick Garris également. Très bien, et bien c'est fini pour cet épisode. Dans 2 semaines, nous nous retrouvons pour, ça faisait longtemps, un nouveau Démon du Maïs avec Children of the Corn Genesis. Donc le 8e. Le 8e ou le 7e? Non, le 8e, le 7e. Alors, on l'a déjà fait. C'est compliqué en fait, c'est le 8e de la saga principale, mais c'est le 9e tourné, parce qu'en fait il y a eu le reboot nul entre temps. Le reboot nul. Donc c'est le 9e film, on va dire, plus ou moins. De toute façon, on s'en fout un peu de la continuité des Démons du Maïs. Où est-ce qu'on peut se retrouver en attendant? Sur Twitter et sur Blue Sky, à @ c'est un archiviste pour toi, @ Chris The Lost Tale, enfin Chris The Lost Tale pour moi, avec sur Twitter un _ et sur Blue Sky un _. Ouais, c'est compliqué. Je mets dans la description, hein, pour clarifier. Voilà. On a un Discord aussi, vous pouvez nous retrouver et savoir ce qu'on fait, même en dehors de cette émission-là. Voilà. N'hésitez pas à venir nous faire coucou, hein, ça fait plaisir. Oui. Voilà. Et n'oubliez pas donc que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.